Lisbeth entra, surprit Adeline en pleurs, et lui sauta au cou. « Adeline, Adeline, ma chère enfant, je sais tout !» dit la cousine bête. « Tiens, le maréchal a laissé tomber ce papier, tant il était troublé, car il courait comme un lévrier. Cet affreux Hector ne t'a pas donné d'argent depuis ?»« Il m'en donne fort exactement, » répondit la baronne. « Mais Hortense en a eu besoin et... » « Et tu n'avais pas de quoi nous donner à dîner, » dit Bette en interrompant sa cousine. « Maintenant, je comprends l'air embarrassé de Mariette, à qui je parlais de la soupe. Tu fais l'enfant, Adeline. Tiens, laisse-moi te donner mes économies. »« Merci, ma bonne Bette, » répondit Adeline en essuyant une larme. « Cette petite gêne n'est que momentanée, et j'ai pourvu à l'avenir. Mes dépenses seront désormais de 2 400 francs par an, y compris le loyer, et je les aurai. Surtout, Bette, pas un mot à Hector. Va-t-il bien ?»« Oh, comme le pont neuf, il est gai comme un pinson. Il ne pense qu'à sa sorcière de Valérie. » Madame Hulot regardait un grand pin argenté qui se trouvait dans le champ de sa fenêtre, et Lisbeth ne put rien lire de ce que pouvaient exprimer les yeux de sa cousine.